enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Fais gaffe. Oh, quelle physique. Ah ouais, t'as trouvé? Toujours son petit air cynique. Oh, mais là, faut pas me chercher. Là. Jamais rasé. À peine. Moi, je fais... Les filles n'ont aucun dégoût. Moi, c'est mon serge. Pour l'amour, celui des sous. Tous les goûts sont dans la nature. Elle se vautre dans la boue. Filles n'ont aucun dégoût. J'ai une sale gueule, je suis qu'un voyou. Mais elles se pendent toutes à mon cou. Et quel bon vulgaire! Ah! Cette façon de... De quoi? Toujours se foutre du monde. Il le mérite, le monde. Sans cesser de fumer. Oh, c'est si bon, les ouais. Les filles n'ont aucun dégoût. Pour l'amour ou celui des sous. Elle se vautre dans la boue. Aucun dégoût. J'ai une sale gueule, je suis qu'un voyou. Mais elles se pendent toutes à mon cou. Bonjour, comment ça va toi, ami de toujours, respectueuse et respectueux auditeur et auditrice de CKRL, errante et errant, ou qui cherchez sans rien vouloir trouver. Comme moi, toi qui marches dans le noir, donne-moi le désespoir de te trouver ce soir entre deux chandelles. Bien allumé, ouais, oh toi qui marches dans le noir, j'ai un peu d'espoir avec toi si tu veux ce soir. Avant, excusez-moi le ton. Avant. C'est Fernand. Bonjour. Avant, il y avait cela. On va s'en rappeler de cette émission là, hein. Du vin nouveau. Non, c'est du vin novembre. Vin nouveau. C'est pas en novembre le vin nouveau. Mais quoi que, non, je sais plus. Je sais, c'est un peu les vidanges, c'est madame, les vidanges, c'est quoi? C'est les verres, les poubelles vertes. Pas la souris, la poubelle verte, puis la poubelle bleue. Bleu, c'est le recyclage, puis le vert, ben, c'est le grossage personnage. C'est celle que tu veux pas lever. Le recyclage, ben, tu quand même. Hein, on va regarder. Si on pourrait pas nous-mêmes l'utiliser à nouveau. en faire quelque chose de nouveau, de quoi, le renouveau. C'est le renouveau, puis quand tu es... Souvent, on est surpris. Et une imprimante, voyons donc, une imprimante, comment ça, on a placé une imprimante là-dedans, on veut plus imprimer, on est déprimé, on veut rien savoir, on cache la réalité. C'est comme le film de François Truffaut, là, on brûle les informations. On va prendre l'adresse Gaétan. Eux autres, ils jettent des imprimantes. Ils veulent plus rien savoir. Je suis sûr qu'ils vont faire un suicide social familial. Ah ouais, prends. C'est quelle la rue, quoi? La rue continue, malgré tout. Voyons d'autres, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas normal. On va appeler la police. Ben, ça, c'est bien. C'est très important. C'est très, très intéressant de fouiller les poubelles. Tu peux savoir ce qui va se passer dans la vie des autres. Il y en a qui regardent dans les lignes de la main. Moi, je regarde dans les poubelles. Moi, je te dis ce qui va t'arriver, toi. Tu manges trop de gras, tu vas crever. Tu prends trop de bière, tu vas vivre heureux. Hey, non, c'est pas ce que je voulais dire, monsieur le Seigneur. Le Seigneur, tu puissant. Mon Seigneur, la main du Seigneur. Une tape ça, il y a du Seigneur, ça fait mal en jure. Ah, il y a une dent. Non, mais il faut observer. Avant, c'était dans les sacs verts, mais aujourd'hui, c'est bien plus facile. Tu ouvres, c'est comme un coffre-fort, mais ça pue. Ça sent le goût noir, de goût noir. Oh, laisse-moi le baisser. Oh, ne faut pas relever. Oh, oui, faut rester baisé. Oh, de goût noir. Moi, ça fait 22 ans, madame, que je regarde dans les poubelles. Il y a eu, madame, il y en a eu de la poubelle, moi, là. Mais la poubelle du monde, je voulais la dire, oh mon Dieu, la poubelle du monde. Maman, tu es la poubelle du monde, et personne à la ronde n'est plus joli. Mais non, il y a eu l'évolution de la poubelle. Moi, c'est pas depuis le Cro-Magnon, c'est de monsieur, non, c'est monsieur Grognon. Grognon Tremblay, qui habitait à l'appartement 2, lui m'a appris, il m'a dit, garde, observe les sacs. Moi, je blasphémais pas à l'époque, lui non plus, c'était pas ces sacs-là qu'il voulait qu'on regarde, des sacs ordures, des ordures, du bandeau, il regarde, il y en a deux pattes, ils se promènent. Ils vont les rentrer dans la. Hein, dans les chicoteuses d'ordures. Ça se promène, ce monde-là, ça a aucune honte, hein. Les ordures à deux pattes, il y en a. Mais c'est pas ceux-là, lui. C'est les verts, les bleus, les blancs. Les blancs, c'est les petits, là. Tu peux trouver ça dans des salles de bain, des chambres, des salles d'essence. Des essences rénaldiennes, des essences rénaldiennes. On en retrouve là-dedans. Oui, monsieur, oui, madame. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix-là. Je pourrais pas la durer longtemps, moi, là. Mal à la gorge. Heureusement, je suis pas à Radio-Ton de 28 heures, moi, là. Avant, et puis après ça, ben quoi, il y a eu après ça les bacs, comme je disais. C'est pas Jean-Sébastien Bach, là. C'est les bacs ordures, là, les deux. Puis là, il y en a un troisième, le brun, mais c'est pas important. Ça fait chercher trop d'infinité. Obscenity, c'est David Bowie, là. Audity, Space Audity. I wonder how I got vidange. Regarde-moi bien le gars de vidange. Il va passer à 5 heures du matin. Il va nous réveiller. Ça, c'est... regarde ces grosses vidanges. Regarde ces grosses vidanges. Puis son mari rentre à 3 heures. Bon, avant, il y avait de cela quelques mois, mon générique durait 6 minutes et expliquait que tous les personnages de mon émission étaient le fruit, quelquefois trop mûr, de mon imagination. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, car vous risquez de vous affranchir. Aujourd'hui, c'est ma dernière... elle n'est pas au moment où elle écrit. Aujourd'hui, c'est ma dernière nuit de boulot. J'abandonne 27 ans de service pour la même entreprise. Je vois, vie, je vois, vie, rare, mi, ré, naré, moré, J'aimerais voir cet artiste. Non, je vais voir comme me le dit Julien Gauguin. Ah oui, je vais voir comme me le dit Jim Corcoran. S'il y a un dépanneur ouvert 24 heures, puis au ciel, j'irai travailler. Il veut mourir. Regarde, c'est vidange. Je sais quoi, c'est vidange. Il mange encore ses vidanges. Il va arrêter de trouver la mimique, me rentre dedans. Et c'est le soir qui s'illumine devant toutes les vermines. Et c'est Guétane la dernière qui étouffe son derrière. Ben oui, pas vraiment. De liane en liane, d'heure en heure, le bonheur se libère, se délibère après chaque saut. Que de sautillements dans toute une vie. octobre 2015, 2h49. C'est ce que j'ai rédigé dans le livre des employés de mon ancienne entreprise. Bonne route, mes amis et les autres. Reynald. Les gens n'aiment pas dire adieu. On doit apprendre autant à dire adieu que de le vivre. C'est important. Dernière nuit sonore avec Fred Pellerin, Jeanne Chérald, Denise Filiatro, Arnaud, Ton oreille à soif et Irance Rinaldienne. J'ai passé cette nuit-là une sublime aventure sonore. Coquin. Et ça, c'est le mot coquin. Dans les revues, ça, c'est coquin. Une revue coquine. Mon petit coquin. C'est un coquin, hein? C'est pas Gilles Poloquin, c'est joli. C'est le petit coquin. Hein? Le bas mot à mauvaise tête, la trottinette fut sous moi, le gars, coquin, c'est qui le coquin? Le coquin, un mot qui m'énerve, coquin, c'est... Alors, j'ai trouvé une analyse, une description du mot coquin. Mot aux allures ludiques. Hypocrite qui cache des cochonneries sous un feu roulant de métaphores pornographiques. Oh, c'est un film coquin, ben oui, c'est un film cochon, là. Puis, comme on veut pas placer ça dans la rubrique cochonnerie, on essaie de travestir, hein? On travestit. Ça donne ce que ça donne. De faux semblants. De faux semblants, de sentiments. Voilà, là-bas, le menaçant. J'ai pompé vers la fin, madame. Ah, ça va bien, vous? Bon, les enfants? Oui. Oui, les enfants vont bien? Oui. Oui. Hey, avez-vous entendu? Non, excusez-moi, madame. Oui. J'ai vu sur votre carte d'alerte que vous avez eu de changement? Oui. Ah, hey, fils, comment ça s'est arrivé de même? Oui. Oui. Il rentrait tard, hein, avant-hier. Oui. Mm-hmm. La police était là, hein? Oui. Oui. Il va vous réveiller. Oui. Il y avait deux belles polices. Oui. Ouais, votre mari vous l'avait mis dehors. Hein? Oui. Il y a juste des femmes. Quand chez vous depuis 3 semaines, hein? Oui. Oui, madame, moi, ma petite coquine. Oui. Wow. À part ça, les enfants vont bien? Oui. Bon, ils ont doublé leur année comme d'habitude? Oui. Bon. Les sandwichs au creton, là, comme je vous ai dit la dernière fois, là, changer le pain, hein? Quand c'est vert, c'est pas bon. Oui. Ben oui, c'est ça. Puis arrêtez de fouiller dans les poubelles, vous, là, là. Oui. Ben voyons donc. Hey, vous avez une petite... Vous êtes reconnu, là? Oui. Ben, si vous êtes la Bedine. Oui. La Bedine n'a pas fine. Oui. Ben oui, qui a pissé dans sa... Hein? Dans sa... Oui. Dans sa vie, pas mal de... Hein? Bon. Oui. Ben, voyons donc, vous. On aime ça que vous le disiez, hein? Oui. Bon, puis sinon, votre mari, ça fait longtemps qu'il n'a pas entendu parler. Oui. Avez-vous entendu parler? Oui. Oui, il parle encore? Oui. Ouais, vous ne l'auriez pas découpé en morceaux, vous, là? Oui. Oui, pour passer à l'émission de Sensations Fortes? Oui. Ben oui, ça vous donne combien, ça? On m'a dit 50 000 $. Oui. Bon, on en dévoile-tu des affaires ici? Oui. Ben oui. Êtes-vous membre de CKRL? Oui. Moi, ben, j'ai un doute, moi, là. Non, mais il me semble que c'est un peu... Êtes-vous gonflé? Oui. Oui. Bon. Ça me rassure un peu de savoir qu'elle est gonflée. À l'ébidium, aluminium? Oui. À l'aluminium, bon. 350 au four, hein? Oui. Bon. On va vous piquer comme la patate, là, parce que, oui. Là, oui, ça peut... Mais vous êtes dans la version juteuse, vous? Oui. Ben oui, elle a pris du poids la dernière fois. Oh, mon Seigneur. Elle a été enterrée son hirondelle. Vous aviez une hirondelle, vous, hein? Oui. Oui, c'était une belle hirondelle. Oui. De votre quartier, hein? Ben oui. Oui. Toi, ma belle hirondelle de mon quartier. Oui. Ben oui, man. J'aime ça parce qu'elle est positive. Hey, votre petit garçon aussi est positif, hein? Oui. Ben oui. C'est le docteur Villeneuve qui me l'a dit. Oui. Ben oui, il dit, touchez pas à ça, là, c'est positif. Oui. C'est positif à l'arsenic. Hein, il est comme illuminé, lui, là, tu lui donnes la main, là, puis je sais pas si tu vas devenir rétroactif. Puis moi, je suis déjà rétroactif dans mon compte de banque, là. Fait que je me suis dit, moi, c'est pas parce que, non, il est très gentil, votre fils, là, oui. un servant de messe numéro un. Moi, le gars, quand il dit... Quand il dit, il le dit, hein? Il dit pas autre chose, lui, là. Il change pas de... C'est pas comme un petit chien. Les petits chiens, hein? Ça tourne en rond, puis tu dis, oh, il va faire sa petite besogne, hein? Puis là, tu cherches ton sac dans le fond de la poche. Puis là, tu te fouilles la poche, puis là, tu dis, oh, man, j'ai juste trois sacs, moi, là. Oh, non, j'ai Saint-Simonac, j'ai Diane, j'ai Au Ciel. Mais j'ai pas d'autre sac que ça. J'ai pas celui en plastique, en biodégradable. Hey, la dernière fois que je l'ai pris, c'était tellement... Parce qu'on m'a dit que c'est de plus en plus biodégradable rapidement. Hein? C'est-à-dire que tu prends la besogne avec le sac, et si dans 5 secondes, tu n'as pas pris la besogne, puis tu n'as pas enveloppé la besogne, puis tiré la besogne dans une poubelle... Mais la besogne te reste dans la maison, dans le creux de ta maison, que l'on peut appeler une main. Et là, ben là, tu vois, un citoyen, non, un politicien te dire, ben, allez-vous voter pour moi? Ben oui, tu sors la main, mort du Seigneur. Je vais voter dans le crémeux, moi, là, le Nutella, dans la Paris de Chanaz, dans les pâtes, dans le chocolat. Raoul Chocolat Muguet. C'est fou, on est fou. Oh. Hey, Monsieur le Président, comment ça va, vous? Votre petite dernière. Êtes-vous comme madame... vous la connaissez, madame? Oh. Ouais. Puis à part ça, Monsieur Thibodeau? Monsieur Thibodeau? Bon, ça va, vous? Ouais, c'est le lendemain de veille, hein? Ben, voyons donc. Je vous dis que faites attention à vous. Parce que votre foie, le professionnel du fouet, le médecin du fouet, il était une fois dans la bile, là. Il m'a dit que, oh, c'était pas bon pour vous, là. Vous êtes jaune foncé, vous, là. Êtes-vous dans... oui, excusez-moi. Êtes-vous dans votre chambre de d'aisance? On a-tu placé un micro dans sa... Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, non, il est en train de traire Gaétane. C'est une gardiche d'Espagne. Les belles grosses... Connaissez-vous les grosses gardiches? Ça, c'est une nouvelle race de vaches. Parce que là, les insignifiantes font juste du lait. Elle donne le carton avec le pied gauche, le lait avec le pied droite. Puis si tu prends ça dans le milieu, c'est du lait froid. si tu vois plus dans le fond, c'est de la crème. De la crème à café. 10%. Priez pour nous, mon doux, priez pour nous. Nous les vacuums de terreur. Nous sommes les terreurs de la trailleur, nous. Hein? Les ventes trailleurs. Le réalisateur, les ventes trailleurs. Laisse donc faire, toi. Tu connais rien à rien. T'es un à rien. Un insigne à rien. Bien aimé. Mais t'es bien. T'es bien. Enfin, parce qu'on est à la radio, là. Mais bien, dans le sens de. T'es pas méchant. T'es un peu sucré, mais t'es pas méchant. On va te rajouter de la sauce soja, puis peut-être même du vinaigre, parce que ça va faire comme un rictus. Quand tu prends du vinaigre, Monsieur, avez-vous pris du vinaigre? Eh, monsieur! Du vinaigre. Du rouge. Vinaigre rouge, comment tu appelles ça, donc? Du sang rouge? Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents, résidentes, bienvenue à l'émission indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée, avec votre magicien du surréalisme, Reynald Le Néant Gagné. Là, j'ai comme la voix en feu, là, la gorge, pas la voix, mais la gorge, parce que ma voix n'est jamais en feu. Parce que la voix, c'est ça, là. Mais j'aimerais bien prendre 2 gorgées d'eau, s'il vous plaît. Est-ce que vous me l'autorisez en nombre de prendre de l'eau? Oui? D'accord. Alors, c'est de l'eau, bien sûr, que j'ai moi-même, que j'ai amené toute la bonté et surtout l'extravagance de faire de la bonne création auditive pour mes auditeurs et auditrices membres de CKRL. Alors, je prendrai ici même cette eau de source pour l'avoir plus froide. Ben, c'est de l'eau de toilette. Ah, merci, ça fait du bien. À quoi bon? En plus, j'adore placer de la glace. J'adore placer de la glace dans ce verre. Parce que la glace dans ce verre, ça rend l'eau plus froide. C'est malin? Non, c'est de l'eau glace. C'est ça, j'ai la bouche glacée. L'essayez-vous, madame, pasteur, là, monsieur. À minuit 25, là. La bouche dans cette condition, votre mari risque de vous demander de faire cavalier seul et de partir avec votre chevalier. Cavalier seul, chevalier. Chevalier de la table ronde. J'ai plus de voix, j'ai mal. J'ai craché ça tantôt. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule demain? Je pourrais plus parler, là. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Je faisais ça au radio, ton Jean. J'ai pas la voix d'une chanteuse, moi. Ou encore moins de chanteur. Là, j'ai le gorgoton, j'ai pas de pastille. En tout cas, si je meurs, là, je donne tous mes disques à CKRL. Je donne mes. À vous, mon amour. Et ma passion de la radio, je vous la donne. Ma carte de membre à Madame Tremblay, numéro 17. Criez pas bingo, tombez pas par terre, parce que je risque de faire le mouche à mouche. Fais attention, je vais la tapette, moi. Et tabarouette. 25 ans. Non. Attention, Facebook veut manipuler. Hey! Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres. Au moins, j'ai pas fait l'autre. Hein? L'autre qui est connu, là. Qui viendront, on se comprend. On se console. Ben oui, ah ouais. Hein, la boussole, on se console. Où est le nord? Le train du nord a perdu le nord. Et moi, c'est moi. Et c'est quelle chanson, je me disais, de Félix c'est beau, là. Il y a plein de chansons, là, lui, là. Mais, ah non, hey, mon électricité baisse. J'espère qu'on ne perdra pas le nord. Ah oui, c'est... Sors-moi donc, Albert, amène-moi voir des choses, amène-moi des rampants, moi des feux des enfants, juste un gars, Albert, au réservoir du sang. Attention, Facebook, veut un ami, tu mimi. Quoi? Attention. Facebook veut... Ouais, parce que j'ai un bobo sur le fond de la bouche. Mais, non, non, c'est parce que je me mords les lèvres. Je sais pas pourquoi, en mangeant, je me mords la... Moi, j'ai juste un problème de prothèse. Mais je les ai depuis 26 ans. Ils sont plus prothésés par la garantie. Plus prothésés. Prothèse, plus prothésés. la comprends-tu? Non, OK. Attention. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Sors-moi donc, amène-moi voir les choses, amène-moi les amènes, juste un soir. L'absurde aventure est déjà commencée, vous le savez, depuis 28 minutes et 20 secondes. Aujourd'hui, le vendredi 20 novembre, 2015, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous, oui, je vous dis, allô, entre nous, oui, merci. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole au gestionnaire de zone entreprise en angle de direction. Non, là, c'est plus vrai, là. Là, on va changer parce que mon entreprise actuellement a une direction. La direction de la réussite. Avant, c'était plus ça. Là. C'était « Ah, mon Dieu, cherche-moi le prélat, m'a trouvé la mêla. » Mais là, je me suis dit, après 27, ben là, on va changer de docteur puis trouver le rossignol qui chante. Puis là, j'ai vu sur la branche perchée que quelqu'un, qu'un oiseau tenait la réussite. Et j'ai dit, j'irai vers vous. Donc, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Oublions les embarras familiaux. Bref, apaisons la dure réalité. Et pour nous envelopper dans un environnement narratif, laissons-nous nous envelopper par mon ami Bastien Lallemand. Bastien Lallemand est un auteur, compositeur et interprète français originaire de Dijon. Avant d'entamer sa carrière solo au début des années 2000, il était membre d'un groupe nommé Les Joueurs de Bic. Sa discographie, ben, c'est très simple. Hein? Le premier instant en 2003... Les Héroïques que nous entendrons largement en 2005, Le Verger que nous entendrons aussi en 2010 et La Maison Haute, son dernier opus. Je m'arrête ici parce que je suis comme très, très heureux de vous le présenter. Ça a été pour moi une rencontre extraordinaire que j'ai beaucoup travaillé afin de vous l'amener à mon micro. Et vous allez entendre tout ce qui s'est passé quelques minutes avant la première question, le premier engouement pour mon ami, mon grand ami, mon incroyable parolier, musicien et chanteur Bastien Lallemand. Alors, sans plus tarder, voici le bouquet que je vous offre. Des boucles qui s'affolent d'un tout petit peu de vent, ondulaient simplement, dansant gaiement. Deux, trois boucles seulement, trois boucles qui sont comme en vol. Trois petits tours et puis s'en vont, c'est comme une farandole. Trois fois le tour de mon giron, trois petits tours et dégringole. Anna, les ogres qui rêvent de t'avaler tout rond, font trois petits tours et puis s'en vont. On les voit qui frétillent d'un souffle à peine d'air. On les voit qui scintillent, te donnant un peu l'air d'une méduse gentille, une gorgone comme un ange.

Avez-vous connu Charlie? Le contraire m'eût étonné. Il n'est pas une boîte qu'il n'ait fréquentée. Que me sert Requiem pour un twister? Dites-moi, l'avez-vous connu à jeun? Le contraire m'eût étonné. Il n'est pas un soir qu'il ne fut bourré. Quel farceur Requiem pour un twister. Dites-moi, étiez-vous amoureuse de lui? Le contraire m'eût étonné. Il n'est pas une femme qui lui ait résisté. Quel tombeur Requiem pour un twister. Dites-moi, tout ça ne pouvait pas durer. Le contraire m'eût étonné. Je crois quant à moi que c'est le cœur qui a lâché. Quelle horreur Requiem pour un twister. Le cap, toute voile dehors, traverser le lac, foncer vers le nord. Je voulais m'enfuir, je ramais si fort, mais le large était loin encore. Porté par les flots, j'ai cru dans l'estuaire, noyé dans les eaux, notre amour à terre. Je voulais le fuir, traverser les mers, accoster de nouvelles terres. La maison haute, le vent du sud qui dessèche les pierres et fait les hommes rudes. Le jour était haut, plus rien n'était sûr, perdu sur les flots, en pleine aventure, il me fallait fuir. Loin de tes parjures, m'évaporer dans la nature. Et le vent se lève, la houle fait le dos, l'onde qui me soulève au-dessus des flots. J'ai bien cru mourir, et pour revenir à grand-peine vaincre les eaux. Au loin, la côte, la maison haute, le vent du sud qui burine les peaux et fait les hommes beaux. Au loin, la côte, la maison haute, le vent du sud qui dessèche les pierres et fait les hommes fiers. perdu le cap, noyé tout au fond des eaux de ce lac, mon chagrin profond. J'avais cru m'enfuir, quitter le ponton, m'en aller perdre à l'horizon. Errance Rénaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Garnier. Avec dans le ciel une pluie suspendue, les larmes au bord des cieux, dans un décor de jeux d'ombre de nuit, théâtral, romantique, pour un peu. Avec un certain sens de la mise en scène, avec dans le fond de l'air si peu de vent, pas de quoi remuer les cieux, et pour un peu immobile et le temps, on se dévore des yeux. Avec un certain sens de la lumière, avec un certain sens de la lumière. Et au parterre, les empreintes du ciel qui se sont déposées par le chambranle, une esquisse soleil qui nous a réveillés. Avec un certain sens de la répartie, et sous ce ciel, sous la pluie suspendue, les larmes au bord des cieux, dans ce décor de jeux d'ombre, on est nu, on se découvre peu à peu. Avec un certain sens de la retenue, quatre pistolets et un couteau à cran d'arrêt s'en vont à Guadalajara. C'est pour un fameux carnaval que s'avance cet arsenal qui a pour nom Pancho Villa. Tout à l'heure au pied du calvaire, il dira une courte prière, puis il reprendra ses jurons et son chemin et sa chanson. Viva Villa, Viva Villa, Viva Villa. Quatre 4 fusils, 10 pistolets, 15 couteaux à cran d'arrêt viennent de Guadalajara. C'est pour un fameux carnaval que s'en vient tout cet arsenal. On recherche Pancho Villa. S'ils vont du côté du calvaire, ils trouveront le révolutionnaire. Ils lui feront entendre raison. Ou bien avaler sa chanson. Viva Villa, Viva Villa, Viva Villa. Deux fusils, 4 pistolets et un couteau à cran d'arrêt allaient à Guadalajara. Ce fut un fameux carnaval quand on fit sauter l'arsenal qui s'appelait Pancho Villa. Il est là au pied du calvaire. Il vient de mordre la poussière. Les vautours ne lui laisseront que les os et les éperons. Viva Villa, Viva Villa, Viva Villa. Un cow-boy, tu peux rien dire, je dégaine et je te dégomme. Tu peux rien faire, t'es prévenu si tu déconnes. Si tu rigoles encore, poupée, je vais pas te louper. Je suis un cow-boy, tu sais, je suis un cow-boy, un vrai. Je suis impatient, tu dis. Tu peux rien dire qu'au moindre écart, genre mon pétard. Tu peux rien faire qu'au moindre impair, les mains en l'air. Et pas bouger, pas t'énerver, je suis sur les nerfs. Faut pas me chercher, je suis un cow-boy. Tu sais, je suis un cow-boy, un vrai. J'ai chevauché toute la journée pour te trouver en vain. Mais où t'étais, j'en ai buté pour moins que ça, tu sais, poupée. Je suis un cow-boy, tu sais, je suis un cow-boy, un vrai. Je suis un cow-boy. Au moindre accroc, je crache du feu, je sors mon colt. Dans ton chemisier, on chante coton, c'est la récolte. Prends garde au plomb si tu gigotes, poupée. Je suis soupelé, je suis un cow-boy. Tu sais, je suis un cow-boy, un vrai. Que je te fais du mal, que je fous tout en l'air. Que notre amour ne vaut pas une balle de revolver. J'ai qu'à tirer, pont, tiens, prends ça, poupée. Désolé, je suis un cow-boy. Tu sais, je suis un cow-boy. Un vrai, je suis un cow-boy. Tu sais, je suis un cow-boy. Un vrai. Thank you.

j'ai massacré. Tout un pays. Un pays doux. En frais vallons. Abrite une truite électrique, maîtresse. La vasque profonde dont le lit incertain aspire comme une bonde tous les limons et les retient. S'ouvre à la mi-lune pour quelques jours éblouis. Et l'eau claire fait fortune et coule dans l'infini. J'ai massacré. Thank you.

Tu t'es accroché, tu as dégrafé. Je t'ai enlacé, je me suis empressé de déboutonner. On s'est échauffé, on s'est caressé, on s'est retrouvé, on s'est attiré, on s'est embrassé. On s'est retourné, mais on a attrapé un torticolis en souvenir de cette. Un torticolis en souvenir de cette nuit. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.